Chapitre 9e. Le lendemain matin, Henri, après avoir écrit quelques lettres au nom de M. Passemard, se promenait dans le parc une heure avant le déjeuner, lorsqu'il aperçut André au bout d'une allée. La jeune fille était accompagnée de son chien et, tout en marchant, agitait au-dessus de la tête de Sloug un de ses longs gants de peau de daim qui monte jusqu'au coude. Le bel animal, sollicité par cette agacerie coutumière, se ramassait sur lui-même en ployant comme un arc son échine maigre où les vertèbres saillaient sous la peau. Puis, détendant tout d'un coup les ressorts de son corps souple et nerveux, il bondissait, la gueule ouverte, d'un si vigoureux élan que ses dents aiguës effleuraient chaque fois le gant brusquement élevé. En dépit de ses préventions contre André, Henri fut obligé de s'avouer qu'il avait sous les yeux un charmant tableau. Il le contemplait en souriant, appuyé contre le tronc d'un des énormes frênes qui bordait l'allée, lorsque la jeune fille l'aperçut tout à coup, parut très surprise, jeta un « Sloug, à bas !» qui interrompit le jeu et, s'adressant à Henri, « Ah, monsieur, ce n'est pas bien » dit-elle d'un air mutin et enjoué. « Vous auriez dû vous faire voir pour m'éviter d'être prise en flagrant délit d'enfantillage. J'en suis toute rouge, voyez plutôt, sans compter que vous moquiez de moi. Dieu m'en garde, mademoiselle !» Je souriais à un souvenir de ce bal du mois dernier où j'ai l'honneur de vous être présenté. Un souvenir du bal, peut-on vous demander? Certainement. Jacques prétendait ce soir-là qu'avec votre coiffure grecque, vous ressembliez à une jeune Diane. Vraiment? Eh bien, je me disais tout à l'heure, en vous voyant venir avec votre dogue, que Jacques avait raison. Elle le regarda bien en face et répondit. « Monsieur Mareuil, est-ce que votre ami vous a chargé en partant de me faire des madrigaux à sa place ?» Bien que Henri fût l'homme le moins timide de la terre, il faillit perdre à cette question toute son assurance et resta penaud pendant une seconde, car la raillerie de la jeune fille réveillait précisément un vague remords qu'il avait éprouvé au moment même où il achevait la phrase malencontreuse. Elle sourit en le voyant si confus et reprit. « Croyez bien au moins que je ne vous en veux pas. » Je constate seulement que vous savez tourner un compliment plus galamment que ce bon Jacques. Il n'y connaît pas grand-chose, ce cher ami. Et je l'en félicite, mademoiselle. Car Jacques n'est pas de ces hommes qui possèdent pour tout mérite l'art de chatouiller agréablement la coquetterie des femmes. C'est un noble cœur. Oui, il y a longtemps que je le sais. Ne vous fatiguez pas à dresser l'inventaire de ses vertus. Pas tant de chaleur, monsieur Mareuil. On dirait, je vous assure, que vous faites un acte de contrition. Vous vous trompez, mademoiselle. C'est un acte de foi en l'amitié qui m'unit à l'un des hommes les plus... Ah, mon Dieu! Voilà que vous recommencez. Mais vous allez me le rendre odieux si vous continuez. Et ce n'est pas pour cela que vous êtes ici, j'imagine. Le petit rire moqueur qui accompagnait cette phrase déplut fort à Henri. Il aurait voulu riposter par un de ces mots incisifs dont il n'était jamais à court d'ordinaire. Mais toute sa présence d'esprit, toute sa verve caustique l'avait soudain abandonné. Il ne trouva rien à répliquer. André parut enchanté de sa victoire et, renonçant à continuer les hostilités contre un adversaire qui ne se défendait plus, elle porta la conversation sur un autre terrain. « À propos, dites-moi donc où en est la candidature de mon père. La campagne est-elle engagée? Croyez-vous au succès ?»« Monsieur, votre père a beaucoup d'atouts dans son jeu. » Une grande situation industrielle, de la fortune, le patronage du comité républicain qui siège à Paris, enfin son mérite qui... Oui, passé. C'est comme pour les vertus de Jacques, je suis au courant. » Il la regarda avec un peu d'étonnement et reprit. « Je dois ajouter cependant que la circonscription ne me paraît pas très bonne. Bah, on ne peut pas la bonifier en y mettant le prix. Mademoiselle, je vois avec admiration que les mœurs électorales de notre beau pays... Non, plus de secret pour vous et que le mécanisme du suffrage universel vous est connu jusque dans ses rouages les plus délicats. Moi qui vous croyais républicain, monsieur Mareuil. Vous pouvez même dire, mademoiselle, que je suis un peu jacobin. Seulement, j'appartiens à la nouvelle école, celle en qui la conviction se combine dans une mesure heureuse avec la clairvoyance. On peut aimer la bonne cuisine, je vous assure, tout en sachant comment se font les sauces. « Ah, monsieur, si Jacques vous entendait. Jacques n'a pas le sens politique. C'est un artiste et un poète, un tempérament de héros ou d'apôtre. Ce qu'il aime dans la République, c'est moins une forme politique qu'un état social destiné à inaugurer dans le monde le règne de la fraternité. Cette même chaleur de cœur a fait de lui le chrétien dont la ferveur m'inspire, je l'avoue, plus de respect que d'émulation. Du respect. Un peu de pitié suffirait peut-être. Henri, très surpris de cette brusque profession de foi, se trouva de nouveau dans la position fort embarrassante d'un garçon d'esprit qui cherche une réponse et ne la trouve pas. Elle reprit. Je vois que je vous scandalise. Une femme libre penseuse, fit donc. Rassurez-vous, monsieur, et ne m'exorcisez pas. Je respecte les convenances et n'affiche pas plus mon scepticisme que je n'allume dans la rue les délicieuses cigarettes hongroises que j'aime tant à fumer dans mon atelier. Je vais à la messe, monsieur Mareuil. Dites-le bien à Jacques. Je sors à l'instant même de l'église, et tenez, voici mon livre d'heures. Elle ouvrit le fermoir de l'aumônière qu'une double chaînette d'argent bruni suspendait à sa ceinture de cuir, et en tira un adorable petit livre, merveille de typographie, qu'elle tendit à Henri. C'était une édition elzévirienne des poésies de Sully Prudhomme. Oui, c'est là-dedans que je lis ma messe avec une attention qui paraît fort édifiante à toutes les dévotes du pays. Aimez-vous ce poète délicat et profond? Moi, je l'adore, n'en déplaise à ma mère. Madame, votre mère, n'aime pas Sully Prudhomme? Mon Dieu, ce n'est pas qu'elle le déteste. Seulement, elle s'obstine à croire qu'un de ses vers les plus remarquables est « Ce sabre est le plus beau jour de ma vie. » Ma mère est la meilleure femme de la terre, mais elle ne peut pas souffrir la littérature. Et vous l'aimez beaucoup, vous, mademoiselle? Beaucoup, plus même que la peinture et que la musique. Moi, je mets la musique au-dessus de tout. Je m'en doutais, vous êtes très musicien. Moi, musicien, par exemple, je ne joue pas même du piano. C'est possible, mais vous avez la voix juste et un très joli timbre. Ah, voilà qui est fort. Me direz-vous, mademoiselle? Qui donc chantait hier soir vers 11 heures à sa fenêtre? Si vous saviez que je vous aime, surtout si vous saviez comment. Vous m'entendiez donc? Je suis confondu, en vérité. Je vous assure qu'il n'y a pas de quoi. Par ce beau clair de lune, cette nuit tiède et parfumée, on aurait dit une sérénade. Je suis très romanesque, comme toutes les vieilles filles qui s'ennuient. Vous comprenez que cette chanson... Ah, mon Dieu! La cloche qui sonne. Slug, ici, dépêchons-nous, monsieur. Nous allons être en retard pour le déjeuner.